émotion à l'extrême. Nous dans la fosse, on se parle, on se voit, n'est-ce pas? On se met devant des choix, même auxquels on ne croit pas. Pour la bouddhie en public, que nous ne sommes pas amoureux. On éloigne le public, pour le meilleur de nous deux. Suis-je là, tout au fond de toi? Dis-moi que tu me ressens pas ça. Que je suis là comme tu es là, tout au fond de moi. Je ne veux pas lui dire.